mon sang. Akita, on a vos sungayo. Okota, t'as fait vos aïe zambé. Viens, j'ai plein d'esprit. Répands en nous et autour de nous la gloire de notre Seigneur Jésus. Voici d'y arriver le temps de la gloire. Ce moment sublime, nous le voulons répandre dans nos cœurs. Il a abandonné le cœur de Dieu. Seul toi connais le chemin du véritable sanctuaire. Seul toi connais le chemin véritable qui nous mène au trône éternel de notre Dieu. Le sang, esprit de Dieu. Alléluia. Yaka, mon limon ensemble. Kita, mon limon solo. Alléluia. Alléluia. Oh esprit de vie, esprit d'adoration. Kita mo limo nzambe. Naka mo limo nsolo. Naka. Tu es vivo sans sur la terre. Viens, nous savons pas adorer comme il faut. Viens nous prêter les mots de Dieu. Pour l'adorer comme il attend que nous le fassions. Alléluia. Kita mo limo nzambe. Santo, yeah.